pas. Le voici le nouveau chapitre d'une histoire interminable. Cette année consécutive de bons et loyaux services. Si le rap est mort, c'est pendant l'accouchement ton dernier disque. J'ai pas de catégorie, je suis fidèle à moi-même. Je marche seul sans protection, pas même celle de la SACEM. Sincère, sont mes propos, mon visage n'est pas masqué. Tu dis que tu sers, mais seul l'échec est à t'asper. Nouvel album comme dit Jamel, je balance tout. Et si je tombe, vous tomberez avec moi, roué de coups. Et si je coule, le talent sera mon gilet. Je préfère finir isolé, tu repêché par un filet. Nouvel album, je suis pas encore assasié. Y'a que des délits et des crimes au micro dans mon casier. J'entends tout et n'importe quoi depuis que je suis casé. Avec le rap de la part de tous ces flots cassés. Sortez les calaches, mi flou et les mitrarimes. La guerre est déclarée, poussez-vous le missile Scudari. J'ai 3, 5, 7 punch là qui viennent péter du magnum. Vos pierres tombent bas, feront la jaquette de mon quatrième album. Sortez les calaches, mi flou et les mitrarimes. La guerre est déclarée, poussez-vous le missile Scudari. J'ai 3, 5, 7 punch là qui viennent péter du magnum. Vos pierres tombent bas, feront la jaquette de mon quatrième album. Vous avez perdu une bataille et vous perderez la guerre. Face à mes soldats, même 300 Spartans se mettraient à couvert. Si je suis ouvert, c'est que la porte est mal fermée. Si je pars en contre-accord, à le dernier mot pour m'alterner. En parlant de couilles, certains les ont dans la bouche, mais pas en place. Bah, je me demande où elles sont quand ils boivent la tasse. Ils ont le seum parce que je propose du neuf, ou parce que mes sons tournent aussi souvent que les tues de leurs meufs. Détrompez-vous, je me sens pas fier en étant vulgaire. Quand je pose mon rap, certains voudraient y voir des bulles d'air. Mais je m'applique trop pour leur faire ce plaisir. Alors il est temps que la chance s'amène pour que je puisse la saisir. La révolution est interne, alors pousse-toi. Mon rap est nocif, alors ne t'étonne pas si tu tousses quoi. Je viens d'apprendre que la concurrence avait la frousse. Va plus de respect à mon égard parce que je les choque tous. Sortez les calaches, mi flou et les mitrarimes. La guerre est déclarée, poussez-vous le missile Scudari. J'ai 3, 5, 7 punch là qui viennent péter du magnum. Vos pierres tombent bas, feront la jaquette de mon quatrième album. Sortez les calaches, mi flou et les mitrarimes. La guerre est déclarée, poussez-vous le missile Scudari. J'ai 3, 5, 7 punch là qui viennent péter du magnum. Vos pierres tombent bas, feront la jaquette de mon quatrième album. C'est le quatrième acte de mon aventure, je suis pas encore dead. Je suis dans mon laboratoire, ça prépare des projets en secret. 2-0-1-3, je suis en phase de révolution interne. Toujours indépendant, j'ai besoin de personne pour qu'on m'intègre. C'est le quatrième acte de mon aventure, je suis pas encore dead. Je suis dans mon laboratoire, ça prépare des projets en secret. 2-0-1-3, je suis en phase de révolution interne. Toujours indépendant, j'ai besoin de personne pour qu'on m'intègre. Yeah, c'est le retour de track, mon pote. Et si tu penses que le rap était mieux avant, bah sache que je viens du passé. Sortez les calaches, mi flou et les mitrarimes. La guerre est déclarée, poussez-vous le missile Scudari. J'ai 3, 5, 7 punch là qui viennent péter du magnum.